Eh les gars, vous rappelez cette soirée là, ce concert où ça a pété. Ouais, ouais. Quand ça a gazé là dans tous les sens là, ouais, on a dû esquiver les CRS. La tête de merde. Et maintenant t'as vu à cause d'eux, on est fiché pour les concerts. Putain, bah ouais, mais ceux qui provoquent, qu'est-ce qu'ils foutaient devant la salle? Ouais, t'as raison, ils cherchent le contact, ils aiment le public enragé. La tête de ma mère, t'as raison, putain. Je sais pas ce qu'ils veulent là, à chaque fois qu'on est à concert, ils viennent, ils nous pètent les couilles là. Ça commence à faire trop. Wallah, ça commence à faire trop. Wallah, dealer Merguibou. La prochaine fois, le public sera pas enragé, il sera enflammé. Le public, au cas où y'a des clashs à réplique. Faut que tu cries comme quand tu niques 59 grammes sur le beat. Terreur en MIC, mais qui dangereux, explosif comme la bombe atomique. Made in Almast, et viens enflammer le public. Au cas où y'a des clashs à réplique. Faut que tu cries comme quand tu niques 59 grammes sur le beat. Terreur en MIC, mais qui dangereux, explosif comme la bombe atomique. Made in Almast, je débarque. Et ça fait bam bam, j'rappe pour les hooligans. C'est le 59 grammes, gramme à nous t'enflamme. Pour mon Roubaix Nord, le public s'enflamme. Vu que j'ai le flow hardcore, d'accord. On est loin d'être disque d'or, mais je sais que mon rap c'est un discours d'or. Les jaloux l'ont condamné à mort et bande de bouffons. Sachez que mon rap perd fort. En concert, en foule, bourgeon, on réveille Belfort. Almagar, attention, secteur anti-port. La salle est sous tension, le public à la rage. On demande une rançon, on prend la scène d'otage. Si t'aimes pas, dégage, ouais, arrache ta gueule. J'ai posé mes bagages, compte bien, faites mon spread. Même si à la fin, y'a pas de check qui rentre. Au micro sous check, les rues, on les vend. 5-9G, on est si refrais. 8 plus Wallace, Nash B, tranchant comme une HB. L'aide, c'est pour les grosses têtes, pas pour ceux qui se la pètent. Une rafale à la mitraillette, lève la roue avant de la compète. Faut que ça pète, donc je répète, faut que ça pète, pète. Allume ton pète, on baisse le juge et les aspects. Sur scène, on est là, et la salle s'agite. Car pas plus tout terme. On enflamme le public. 59 grammes de pâte qui pète comme du C4. Sur le track, on arrive comme un RS4. Prêt à tout risquer pour percer. Quitte à rentrer chez le producteur et te séquestrer pendant des heures. Tu veux que je te raconte ma vie? Pour moi, elle a pas changé. C'est juste le regard certain. Depuis qu'est né 59G, ouais, ils savent qui je suis. Ils savent pour nous ça peut aller. Ils savent que c'est Melgui, la tornade MIC. Ils savent aussi, dans le groupe on est assez. Reforme une famille et que devant un clash on vient répliquer. Et ça, c'est pour les petites salopes qui veulent tester. Mais ils vont vite apprendre à nous détester. Pour l'instant, ça marche pour moi et ma bande de Scarla. Rouya monte le volume, on fait un halal. On vient enflammer le public. Au cas où y'a des clashs à réplique. Faut que tu cries comme quand tu niques 59 grammes sur le beat. Terreur en MIC, méchit, dangereux, explosif comme la bombe atomique. Made in Almastry. Viens enflammer le public. Au cas où y'a des clashs à réplique. Faut que tu cries comme quand tu niques 59 grammes sur le beat. Terreur en MIC, méchit, dangereux, explosif comme la bombe atomique. Made in Almastry. Un peu sur les détonateurs, fais péter le public. 59 grammes, c'est 6 balles dans un chargeur chargé. Dans un brolic, on ouvre lever la flamme pour t'acquisser overgame. On rapide devant les flics, ou devant un clash. Sauf une bosse en pique, mais avec une lame. Faut que tu cries, c'est le 59 grammes. Faut que tu cries comme un coup de cric dans le crâne. On veut tout cramer, 2006 on est lancé. On a même grillé la priorité, graillé l'opportunité. Poser, exploser, composer, groupe sera piquant. Un autre bon, on a dosé, instrumental. On vient empoisonner le mental. Des vandales, des gens dommages, c'est dommage. On n'a pas de subvention, car c'est un autre égard. Mais toutefois, attention, sur la version c'est la guerre. Moi c'est dans ma gare, c'est pour les gargouilles. Ceux qui bougent pas des poils, mais qui sortent les armes en cas d'embrouille. Et qui font plaisir au bal, bal, trinque. Y'a du sang sur le son, sur la scène, comme y'a du sang sur nos frères. Mon rap de la dynamite, j'balance mon texte et ma clique s'agite. J'en perso au fond de la salle, un tas de fumeurs de shit qui s'emballent, foutent le scandale. Nerveux comme des pics, leur dédicace c'est normal. J'rappe pour les parasites, pendant que les jaloux critiquent. 5-9G reste authentique, toujours la même technique. La France panique et nous on la nique, sans ménique. On rapplique et full feu sur scène, crie nos répliques. Papa le micro scène, quelques mises qui font des signes. Les frères ont le doigt en l'air, devant la salle place aux insignes. Et la foule est en colère, ça sent la crie, crie dans l'air. Et les canines sont vénères, 5-9G en full bordel. Et ça, ça date pas d'hier. On pèse en grammes, kilogrammes, en quête à nous en tonnes. Maison des associations, on a fracturé le podium. C'est du rap de bonhomme, caché sous nos bonnets. Les guerres font du bonnet, à la donne on est abonnés. Cognon, tu nous connais, on veut du pognon. On est prêt à te cogner, sans pas les couilles de ton opinion. On vient enflammer le public, au cas où y'a des clashs à réplique. Faut que tu cries comme quand tu niques 59 grammes sur le beat. Terreur en MIC, méchit, dangereux, explosif comme la bombe atomique. Made in Almastry. On vient enflammer le public, au cas où y'a des clashs à réplique. Faut que tu cries comme quand tu niques 59 grammes sur le beat. Terreur en MIC, méchit, dangereux, explosif comme la bombe atomique. Made in Almastry. Cousin, j'arrive, c'est Joe Mike, oh mec, j'suis pas une chienne. Si t'es pas content, j'suis plus le négro avec des chaînes. Si t'es pas content, Mikey Mike, j'encule le peine. Sur scène, faut que ça soit hella comme les jours des violences urbaines. 5-9G vient enflammer le public et strike sur la souffrance pour les mettre en souffrance. Le visage plein de pince, moi CD, c'est l'eau. Tu veux savoir à quoi je pense? Mon crew, unique comme une pointe soudure, soudé comme une soudure. Même blindé, jamais j'oublierai mes proches. Mes sauces, d'où je viens? Almaguer, quartier nord, QG 7-9, la salle, le trou. Casse des diamés, zoulous, squatteur de coin louche, saccageur de sable, saoulé. Boiré pour un brochet, un poulet. On vient enflammer le public, une feuille à bique, une feuille à stick, histoire de kicker ça. Et que les gars de l'Alma s'excitent pendant que les putes paniquent. Dans ma rue, les patrouilles s'anniquent. Va le microphone, c'est clic, clic, c'est coup de crosse, les plaies crissent. Les vents dans la gîte, et dans la salle, y'a pleine crèche. On passe pas à la caisse, mets tes tapons en casque, casse-toi si t'aimes pas, nous on tient nos tabacs. Et sur scène, l'instru, on la passe à tabac. On baisse les lois, bat les indiques, prends des sacs à bras. On fait ce suceur de bite dans les locaux du commissariat. On vient enflammer le public, au cas où y'a des clashs à réplique. Faut que tu cries comme quand tu niques 59 grammes sur le beat. Terreur au MIC, médite, dangereux, explosif comme la bombe atomique. Made in Alma Street. On vient enflammer le public, au cas où y'a des clashs à réplique.